la ligne de votre correspondant est interrompue. Nous regrettons de ne pouvoir bénéficier d'un autre appel. Le char d'amour. Combo à coma pour Bengangaï. Alors, moi, je vais vous dire que Saki boss. Ouais. Ah, eh, Hein, Zongi na porte de fishing pour na monayo na keina trocadero auto putana na yo je suis caé et pleti na oui ni on fan di sanga na se a ni bulo ami somelanga ta monangi a vu ma penga na clochara boli monayo je suis caé et pleti na oui je suis caé et mi kasson jamais basse Arms trésor, Bédon Bongala. Oh l'homme le Rambo, depuis le studio RGR de Gérard Chantelon. Tina Kibeti. Laetitia Souma. Comme ça il la perdra.